Je suis dans le noir. Non, non, non, non, non. Je n'ai pas peur, je suis tout seul. Je vais chercher du bois dans la grange au fond du jardin. Pourquoi toujours moi? Je chante une chanson pour masquer les bruits de la nuit. De plus en plus fort, l'ampoule de la grange est grillée, j'aperçois du bois. Je prends quelques bûches. Commence à courir en chantant de plus en plus fort. Une bûche se détache, tant pis. Je ne chante plus, je hurle en courant jusqu'à la maison. Elles sont derrière moi. Je passe la porte et referme en soufflant de joie. Je suis à l'abri. Le feu nous protégera contre les ombres de la nuit. Au moins jusqu'à demain.